Bonjour à tous, c'est Jérôme du tout nouveau podcast 1MJ de trop. Avec un tel nom de podcast, j'étais un peu obligé de répondre à la question du sixième podcast Frankenstein, qui est est-ce que le MJ est un joueur comme les autres? Vous devinez que j'ai une position assez radicale sur la question, donc je vais essayer d'exposer un petit peu mes idées par rapport à ce sujet. Alors de prime abord, je dirais qu'effectivement, si je compare mes différentes expériences de jeu, le MJ a effectivement une place vraiment très très très particulière autour des tables. Il a une responsabilité différente des autres joueurs. Il a une application dans la préparation des parties très différente. Il a une maîtrise de l'évolution de l'histoire, un impact beaucoup plus fort que tous les autres. Le temps de parole souvent est en grande partie monopolisé par sa personne. Bon, cela peut varier sensiblement d'une personne à une autre, mais globalement, voilà, le MJ se démarque quand même autour d'une table. Et d'ailleurs, on a très souvent entendu dire que la qualité d'une partie dépendait essentiellement de la qualité du maître de jeu et de son expérience. Bien, faut le reconnaître, hein, c'est une réalité. Le MJ est un personnage, un joueur ou une joueuse, hein, qui diffère de l'ensemble des autres participants. Et c'est bien pour ça que nous, dans le podcast 1MJ de trop, on aime le supprimer, ce maître de jeu. Le supprimer ou lui voler ses responsabilités et les redisperser, les redistribuer aux autres joueurs. Comme ça, finalement, autour de la table, on se retrouve tous sur un pied d'égalité, avec les mêmes responsabilités vis-à-vis de la réussite d'une partie. Un partage dans les connaissances des règles du jeu. Et comme ça, comment l'expliquer? On arrive à obtenir une sorte d'alchimie autour de la table, un jeu beaucoup plus social, où tout le monde est à l'écoute en permanence de tout le monde. Ce qui est indispensable pour la réussite des parties comme nous on l'envisage, c'est-à-dire en narration très très très partagée et avec donc une histoire toujours quasiment toujours émergente à 100%. Cela implique d'avoir des qualités d'improvisation fortes et bon, qui se développent, hein. Il y a des débutants qui sont très à l'aise avec ce procédé, hein. C'est pas non plus forcément réservé à une élite. Et nous, ben voilà, on s'épanouit dans ce mode de jeu-là, qu'on trouve plus démocratique, et où on ne se sent pas obligé de satisfaire les envies d'une seule personne. Voilà. Donc, on aurait tendance à dire que le MJ nous enferme un peu dans un carcan. Donc, pour conclure, excusez-moi si mon propos n'a pas été très très structuré parce que je n'ai rien préparé à l'avance et je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer devant un micro. Pour conclure, le MJ est un joueur extrêmement différent des autres et que peut-être certaines personnes trouveront plus de plaisir à leur table de jeu s'ils s'affranchissent de ce sombre personnage machiavélique qu'est le maître de jeu. Voilà, j'espère que les joueurs traditionnels ne m'en voudront pas trop après ces propos. Je comprends très bien que énormément de gens apprécient le jeu avec MJ, il n'y a aucun problème. Chacun y trouve son plaisir de la manière qu'il souhaite. Pour ma part, j'ai tranché depuis longtemps. Merci à vous et longue vie au podcast Frankenstein.